Ces jours-ci, les autorités sud-coréennes cherchent à emporter le cargo américain Lin Victory pour une nouvelle farce. Rappelons que ce cargo américain est un des bateaux mobilisés par les impérialistes américains qui étaient en fuite face à la nouvelle attaque de l'armée populaire de Corée pour l'opération d'évacuation à Hungnam destinée à emmener les habitants nord-coréens en Corée du Sud par le chantage de la bombe atomique lors de la dernière guerre de Corée. Pourtant, les autorités sud-coréennes prétendent une signification de la paix à propos de ce bateau, témoin oculaire du cynisme des impérialistes américains qui imposent tous les malheurs et souffrances à la nation coréenne après l'avoir divisée en deux et tentent de dépenser une grande somme d'argent pour l'importer. Leur démarche est une bêtise des traîtres qui n'ont point du sang et de l'âme de la nation.